Oh, qu'est-ce qu'il mange, ce loup-garou? Oh, quelle est triste sa chanson! Oh, qu'est-ce qu'il mange, ce loup-garou? Oh, quelle est triste sa chanson! C'est un loup-garou qui mangeait, et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, pa, pa, pa, pa. Non, pas parce qu'il mangeait pas, mais parce qu'il mangeait. C'est un loup-garou qui mangeait, et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, pa, pa, pa, pa. Non, pas parce qu'il mangeait pas, mais parce qu'il mangeait. Oh, qu'est-ce qu'il mange, ce loup-garou? Oh, quelle est triste sa chanson! Quelle est la petite sorcière qui pourrait le potionner? Quelle est la gentille petite sorcière qui va l'éliminer? Quelle est la petite sorcière qui pourrait le potionner? Quelle est la gentille petite sorcière qui va l'éliminer? Kia, on ne voit que Kia, il n'y a que Kia pour faire cela. Kia, on ne voit que Kia, il n'y a que Kia pour faire cela. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Elle est plus triste, cette chanson, qui a potionné le loup-garou. Il est plus triste, le loup-garou, qui a potionné la chanson. Mais non, le loup-garou, mais non, le loup-garou, pom-pom.